péché tout minable. Dans un drôle de petit verger, un faux jardin anglais, il me charme et me nargue en valsant au rythme du vent. Ça me plaît pas qu'on me regarde, je suis jaloux comme un chien de garde. Mais je suis pas jaloux de la chatte qui chaque nuit le squatte, l'escalade et le gratte et lui fait sa petite compagnie. Je suis amoureux d'un arbre qui ne m'a laissé qu'une écharde et mille balades bras dessus, branche dessous. En juillet, il me laisse caresser sa peau de pêche. Alors quand le veut le ciel, de semaine en semaine, fleurissent et mûrissent ces jolis fruits entre mes mains. Je suis amoureux d'un arbre qui m'a donné qu'une écharde et mille balades bras dessus, branches dessous. C'est tout, je prévois exactement l'endroit où m'enfuir pour la dernière fois. Nous goûterions